Chapitre 11e. Anna fut un peu surprise de la rapidité de mouvement de Trudy. Comme une série d'éclairs, son apparition, son engouement pour elle, son activité dévorante, ses qualités, ses défauts, son départ, avaient passé devant ses yeux, le tout en moins de 8 jours. Et elle laissait derrière elle toute une traînée d'ouvriers avec lesquels la maîtresse de Kleinwalde dut désormais batailler seule, car l'aide que pouvaient lui apporter Miss Leach et Letty était nulle, leur stock en allemand se composant de quelques bribes du roi des zones ou du chant de la cloche, citation qui n'avait malheureusement aucun rapport avec les travaux qu'on s'était mis sur les bras. Les lettres répondant à la première annonce se faisaient d'ailleurs tous les jours plus nombreuses. « Que de misère ceci nous dévoile !» disait Anna tout attristée, tandis qu'elle continuait avec le pasteur de dépouiller la correspondance lamentable. « Pourquoi n'ai-je que 12 places à offrir ?» Manskes secoua la tête, perplexe, aussi surpris que sa paroissienne du nombre des suppliantes. Il n'avait jamais imaginé que son pays comptât une si grande quantité de dames chrétiennes réduites à un pareil état de pauvreté. Lettre arrivant par tous les courriers, il prit le parti, quand ses devoirs le retenaient au presbytère, d'envoyer à sa place le jeune vicaire-poète qui avait célébré les charmes d'Anna dans une ode dithyrambique le soir même de son arrivée. Ce poème, considéré par son auteur comme digne de rivaliser avec les plus belles pages de Goethe, auxquelles il se flattait de ressembler physiquement. Ce poème, maintes fois revu et corrigé, Herr Klutz le portait constamment sur son cœur comme compensation au tourment de l'absence. Aussi, lorsqu'il reçut la mission d'aller en personne apporter un message à sa divinité, sa joie fut énorme et ses espérances prirent les mêmes proportions que sa joie. Un poète, un vrai poète, est l'égal de la plus grande dame, se disait-il, marchant à grands pas vers le château enchanté où respirait l'héroïne de ses vers. Sa redingote cléricale le gênait bien un peu dans cette marche fougueuse, ainsi que dans ses projets de conquête. Heureusement, une fleur à la boutonnière et un feutre vert crânement posé sur l'oreille corrigeaient ce que ce costume pouvait avoir de trop sérieux. Anna le reçut avec sa bonté, sa courtoisie coutumière, à 100 lieues d'imaginer qu'elle peut être l'objet des pensées amoureuses du vicaire. Cependant, quelque chose dans sa manière lui déplut. Que ce fût familiarisé de paroles ou de regards, elle ne perdit pas son temps à vouloir le démêler. Mais le jour suivant, il ne fut pas admis en sa présence et les autres, pas davantage, ce qui le surprit considérablement. Car Herr Klutz, avec ses cheveux filasses et sa personne mal ébauchée, peu gâtée généralement par la nature et par le sort, ne se considérait pas moins comme très supérieur à toute femme, quel que peut être son rang ou sa beauté. Son credo, tout allemand, ne différait sur ce chapitre que par la nuance de celui de Delbig. Pour Delbig et ses pareils, la femme est une servante, pour les Klutz, un jouet. Toujours une inférieure, qui doit se trouver montrée reconnaissante des attentions du sexe fort. Ne pouvant converser avec la châtelaine, il se rabattit sur l'institutrice et la fillette qu'il rencontrait régulièrement sur sa route. Et, moins difficile qu'Anna, elles acceptèrent ses soins avec plaisir, faisant échange avec lui de leçons d'anglais pour son allemand et lui fournissant à leur insu les détails dont il avait soif sur l'objet de sa flamme. L'homme, que ses devoirs de magistrat local appelaient constamment sur le même chemin, vit ses rencontres et en conclut que le vicaire faisait la cour à l'institutrice. Après le départ de Trudy, il apporta Miss Estcourt, les adieux un peu embellis de sa sœur, avec des offres de service que légitimait aujourd'hui leur intimité. « Vous voici de nouveau sans interprète et sans conseil, » lui dit-il. « Laissez-moi vous prier très sincèrement d'user le mot autant qu'il vous plaira. »« Je vais à l'instant me prévaloir de cette offre, » dit-elle, répondant par un brillant sourire de confiance à son sourire grave et bon. « Je viens de recevoir une proposition qui me plaît, la première, et je serais bien aise que cette impression fût confirmée par la vôtre. » Axel prit la lettre et la photographie, les examina attentivement. « C'est une Penheim, je vois, une très bonne famille. » Je les ai perdus de vue. Je vais si peu dans le monde. Mais mon père avait avec les Penheim d'excellentes relations. Que dites-vous de la lettre? elle me paraît ainsi qu'à vous satisfaisante. Cette personne écrit comme une femme raisonnable et pratique. Cependant, je ne vous engagerai qu'à la prendre à l'essai. Outre qu'elle pourra vous déplaire, il est possible que de son côté, l'administration d'un établissement philanthropique ne soit pas du tout ce que cette dame de compagnie a tant vu. C'est en effet très possible. Et comme je tiens par-dessus tout à ce que mes futurs amis ne manquent d'aucun confort, je vais écrire sur l'heure dans le sens que vous indiquez. Peu de jours après, la dame de compagnie fit son apparition. Allant au devant d'elle, aussitôt qu'elle entendit le bruit des roues sur le gravier, Anna vit émerger de la capote une grande femme d'âge mûr, dont la physionomie lui plut et la rassura tout de suite. Car ce n'était pas sans une certaine anxiété qu'elle attendait une personne de qui dépendrait, en une grande mesure, le bien-être des 12. Mais voici que la dame, à peine elle a mis pied à terre, lui dit du ton le plus décidé « Avant toute chose, il faut que je vous parle confidentiellement. »« Plaise au ciel !» s'écria Anna intérieurement, « que nul anicroche ne se produise. Nous avons si peu de temps à perdre. » Elle la précède au salon, lui indique le sofa, ayant été informée par Trudy que c'est là que l'on place les visiteuses, si l'on possède le moindre rudiment de manière. L'étrangère a quelque chose de masculin avec sa grande taille, son mackintosh et ses grosses bottines. S'étant assise, elle examine le visage d'Anna délibérément et sourit. La plupart des gens qui la voient pour la première fois font de même, sans doute à cause de l'agréable surprise éprouvée à rencontrer une personne si charmante et si manifestement occupée d'autre chose que de ses charmes. Avant même d'accepter vos paroles de bienvenue, dit la dame, je crois de mon devoir de vous dire la vérité. Anna incline la tête, vaguement inquiète. Je vois que vous êtes jeune, poursuit l'autre, et je présume que vous êtes sans expérience. Pas si jeune, murmure Anna, qui se sent très petite fille devant cette singulière solliciteuse. Pas si jeune, j'ai 25 ans. Vous n'en avez pas l'air. Mais qu'est-ce que 25 ans? Silence embarrassé. Ma position ici sera donc doublement responsable, reprend l'étrangère, scrutant de plus belle le délicieux visage, et souriant de rechef devant ce qu'elle peut y lire d'innocence et de bonté. Oui, dit Anna vivement, c'est ce que j'ai à cœur de vous expliquer en grand détail. Mais l'autre, l'arrêtant d'un geste d'autorité, non, je ne vous laisserai pas me confier un mot de vos affaires avant de vous avoir révélé, ainsi que je vous ai dit, la vérité. Voici. Par suite d'une série de revers de fortune inutiles à détailler, je me suis vue réduite à la plus absolue pauvreté. J'ai des parents, un très grand nombre d'alliés, qui seraient disposés à s'imposer collectivement quelques sacrifices pour me permettre de subsister. Mais il ne me plaît pas, à moi, de vivre de charité. Le pain que je mange, je veux le gagner. Par considération pour les préjugés de cette parenté, que ma résolution humilie bien à tort, j'ai adopté le nom de Penheim. C'est ainsi que j'ai signé la lettre échangée avec vous, et j'ai, en quelque mesure, le droit de le faire puisque c'est mon nom de naissance. Cependant, ce n'est pas celui que je porte aujourd'hui, et je ne veux pas demeurer une minute de plus qu'il n'est nécessaire sous une étiquette d'emprunt vis-à-vis de vous. Je suis par mariage la princesse Ludwig. » Elle s'arrêta, sondant le visage de sa compagne. Anna demeurait sans parole, déçue, peinée, embarrassée au-delà de toute expression. Ce n'était pas du tout une princesse qu'il lui fallait, pas du tout. En quoi une princesse pourrait-elle concourir au bien-être des 12? Et quoi répondre, grand Dieu, à cette pauvre femme qui l'interrogeait d'un air anxieux? Oh, dit-elle vaguement, faute de trouver une autre expression pour traduire sa déconvenue. Oh, et bien anglais, dit la princesse, qui, en dépit de sa pauvreté, paraissait garder tout son franc-parler et sa liberté d'esprit. Et pour moi, bien obscur. Si c'était art, encore, je pourrais le comprendre. Tout de rire de bonne grâce. Ne croyez pas, reprit-elle, qu'une princesse allemande ressemble en rien à vos princesses anglaises. Mon beau-père, un homme de peu de fortune et chargé de famille, fut le premier en titre. Tous l'ont pris après lui, sans rien ou à peu près pour le soutenir. Mon mari était le plus jeune et le plus pauvre. Vous voyez ce que cela peut valoir. Mais Anna continua de savoir que penser et que dire. « Je voudrais, » commença-t-elle enfin avec effort, puis elle s'arrêta court. « Si je vous avais donné de prime abord ces renseignements, vous m'auriez renvoyé ma photographie par le courrier suivant. N'ai-je pas essayé 10 fois pour me trouver de l'ouvrage? N'ai-je pas été uniformément éconduite dès que je donnais mon nom? Et j'ai un si grand désir, un si grand besoin de travailler. Que pouvais-je faire? C'est une chose terrible, croyez-moi, d'avoir de la fierté, de se sentir pleine de courage, d'aimer le travail, et d'être condamné à manger le pain de la servitude. « Oh oui, terrible !» murmura Anna. « De se trouver à la fois dénué de ressources et encombré d'un titre ou d'une qualité qui vous ferme tout emploi mesuré à vos modestes capacités. Que c'est vrai !»« De dépendre enfin de personnes qui, tacitement ou expressément, vous reprochent à toute heure ce que vous leur coûtez, qui voudraient vous voir morte. Ou mariée. » Achève Anna. « Que pouvez-vous savoir de ces choses ?» demande la princesse, frappée du son de sa voix. « Ce que j'en sais. Je les connais par le menu, je les ai vécues toutes, une à une. Toutes les misères, tous les affronts, tous les dégoûts de la pauvreté dorée, je les ai dévorées. » Et confiante, soudain conquise, incapable de retenir le flot de confidences qui lui monte aux lèvres, elle se trouve en un moment contant à cette étrangère dont l'histoire est à tant d'égards pareil à la sienne, les tristesses, les humiliations des 15 années passées, son ardent désir d'indépendance, le profond sentiment d'envie que lui inspirait tout travailleur honnête, tous jusqu'aux humbles balayeurs de rue. Puis, sa libération inespérée et enfin ses projets. Elle dit comment, le cœur plein de pitié pour des douleurs dont elle connaissait si bien l'amertume, elle avait pensé à venir en aide à d'autres dont le sort pouvait ressembler à ce qu'avait été le sien. Elle avait parlé impulsivement, trouvant sans les chercher les paroles qui d'habitude lui faisaient défaut en allemand, versant le trop-plein de ses espérances, de ses généreuses illusions. « Je vous félicite, » dit la visiteuse, qui l'avait écoutée sans mot dire, avec grande attention. « Je vous félicite, » fit-elle, lorsqu'Anna se tut. « Quoi qu'il advienne de votre projet, il vous restera l'honneur de l'avoir conçu. » Ceci n'était guère encourageant. « J'ai outrepassé les bornes de la discrétion, » dit Anna, soudain confuse. « Ne le regrettez pas. Vos confidences vous honorent et me seront sacrées. » « Je vous disais tout à l'heure, » reprit-elle après une pause, « et je ne puis trop vous le redire, ce malheureux titre de princesse qui se met entre moi et mon juste besoin d'indépendance n'est qu'une étiquette trompeuse, ne vous disant rien de ma personne réelle. Je suis parfaitement capable d'occuper l'emploi que je sollicite, et si vous me connaissiez, j'ose dire que ma parole vous suffirait, pour être certaine, de me voir remplir mes engagements. Elle me suffit !» proteste Anna vivement. Qui peut vous voir et douter de vous? N'empêche, il me semble impossible, enfin, que vous dire. C'est une toute autre personne que vous que j'attendais, une personne qui puisse s'occuper d'ordonner les repas, de former les domestiques, de surveiller tous les détails du manège, une femme de charge, en un mot. Je l'entends bien ainsi. Je sais tenir un ménage, c'est même mon seul talent. Et pourquoi reculerais-je devant les plus humbles attributions de l'emploi si je plie mon orgueil à en accepter le salaire ? Combien j'aurais préféré, commença Anna. Qu'auriez-vous préféré, mon enfant ? Que vous eussiez répondu à l'autre annonce ? Avec quel plaisir je vous offrirais une place parmi les 12 ? Je chercherai tout de suite une autre dame de compagnie. Dites, voulez-vous accepter de vivre ici avec moi comme les autres ? Que j'en serais heureuse. La princesse eut un bon rire sonore, en accord avec sa forte personne. « Non, » fit-elle carrément, « je n'accepte pas. Quoique je vous sache très bon gré de cette offre, croyez-le. L'emploi de parasite n'est pas fait pour moi. Je n'y brillerai pas du tout, j'en suis sûr. Ce que je veux, ce que je chercherai jusqu'à extinction de force, c'est travailler. Essayez-moi quelques semaines, quelques jours. Que risquez-vous ? Vous aurez vite constaté deux choses. Premièrement, que je sais mon affaire. Secondement, que je ne demande à personne plus d'égard ou de considération que ce qui est dû à une femme de charge honnête et entendue. Et puis, je prendrai soin de vous, » ajouta-t-elle, un éclair d'amusement mêlé d'émotion traversant son visage sévère. « Et permettez-moi d'ajouter que vous me paraissez avoir grandement besoin qu'une bonne femme de mère s'occupe de vous. » « Comme il vous plaira, » dit Anna, vaincue, sinon convaincue. « Essayons. Dieu soit loué. Vous ne regretterez pas le contrat. » Mais Anna gardait ses craintes, son point de vue tout anglais refusant de s'accommoder à cette baroque association de mots, une princesse, femme de charge. Et elle se retira ce soir-là, avec ses premiers doutes, sous l'issue d'une entreprise qui débutait d'une façon si anormale.